Nous allons entendre Xavier Lambert, donc, qui est professeur d'art plastique à l'Université Toulouse-Saint-Jaurès, qui est responsable de l'axe poétique plastique et technologie d'émergence du Lara Sepia, et qui va intervenir sur, avec un titre qui est le miroir de la connaissance. Simplement, un petit rectificatif, et ça c'est moi qui ai dû faire la coquille. L'intitulé de la communication, c'est pas le miroir des connaissances, c'est le miroir de l'esthétique. Et bon, c'est pas très grave. Pour une fois, je n'aurai pas d'image à vous montrer. Donc vous n'aurez que vos oreilles à faire fonctionner, et éventuellement votre main et votre cheveu. Alors, on peut admettre que le réel est l'ordre de ce qui advient, ce qui survient. Pour Lacan même, le réel est de l'ordre de l'impossible. Il nous dit l'impossible, c'est le réel, tout simplement, le réel pur. Si le réel est impossible, c'est que pour Lacan, la définition du possible exige toujours une première symbolisation. Et pour paraphraser Lacan, il est un fait qu'on n'a pas prouvé du réel la possibilité dans aucun système formel. Par le fait même de sa survenance, le réel ne peut pas s'ancrer dans une symbolisation qui suppose une première distanciation d'avec ce qu'on convoque de notre système perceptuel. Par le fait même de son impossibilité, le réel implique un comportement qui oblige le sujet à s'extraire des schémas habituels de résolution d'une situation connue. Bastien Tonazio se réfèrent à Livet en expliquant « L'échec de l'action rend nécessaire la révision de ses attentes. L'opération logique de révision consiste à choisir celle de nos croyances qui doit être éliminée pour rétablir la non-contradiction entre un événement perçu et notre représentation du monde. Cette révision peut aller dans un sens contraire à nos attentes ou dans le sens de nos attentes. L'émotion apparaît lorsque la révision, quel que soit son sens, va plus loin que ce qui est prévu. Autrement dit, l'émotion correspond à une révision qui déborde son cadre. » Et Livet précise: nous ne sommes donc pas émus chaque fois que nous agissons, ni que nous nous livrons à une révision de nos croyances, mais chaque fois que la révision va plus loin qu'attendu, dans le sens de nos préférences, au contraire. L'émotion pourrait donc être une aptitude développée par l'évolution pour appréhender l'impossible du réel dans ce qu'il a d'impossible, justement, c'est-à-dire dans ce qu'il a de problématique. Damasio nous explique que certaines structures neurales sont simultanément des images mentales, quand certaines autres structures neurales engendrent un processus du soi assez riche, ces images peuvent être connues. Si au contraire aucun soi n'est engendré, les images existent encore, même si personne à l'intérieur de l'organisme ou au dehors ne connaît leur existence. Le rapport au réel convoque nécessairement une image de soi. Malgré un système neuronal très succinct, l'amibe qui se rétracte lorsqu'elle est agressée par une aiguille, par exemple, le fait parce qu'elle a une image, une cartographie de son organisme, qui lui permet d'avoir une certaine conscience de l'agression. On doit pouvoir admettre que cette rétractation est la conséquence de l'émotion provoquée par l'agression du réel, représentée ici par l'aiguille. Si on accepte ce schéma, l'émotion serait donc un dispositif de cognition du réel. Elle permet de comprendre le réel au sens étymologique du verbe, saisir ensemble, embrasser quelque chose, entourer quelque chose. L'émotion permet de se saisir du réel comme partie prenante de l'organisme qui lui est confronté. Il faut se rappeler que émotion vient du latin motio, qui signifie à la fois mouvement et trouble. L'organisme et le réel ne font plus qu'un par le trouble qui saisit l'organisme, dans son appréhension, dans sa compréhension du réel. C'est de l'inframince de cette compréhension qu'émerge l'affect qui permettra ou pas, selon que le système neuronal le permette, l'élaboration du concept pour reprendre le schéma trilogique de Deleuze, percept, affect, concept. La complexité des images issues des émotions ressenties est très probablement liée à la complexité du système neuronal. Si, comme le dit Damasio, les émotions sont des programmes complexes et en grande partie automatisés d'actions qui ont été concoctées par l'évolution, il y a probablement des degrés d'émotion qui diffèrent selon la complexité neuronale de l'organisme, notamment selon qu'elle relève des émotions primaires ou des émotions secondaires. Mais on peut penser que, notamment pour certains organismes très développés, les émotions, le processus de co-intrication structurelle avec le réel, aboutit à la production de noèmes qui vont transformer l'individu dans son rapport au monde. Sartre va plus loin en disant « À présent, nous pouvons concevoir ce qu'est une émotion, c'est une transformation du monde. » De fait, l'émotion, à partir du rapport problématique au réel qui la fait naître, et en tant que dispositif de cognition, va transformer notre rapport au monde. Et le monde n'existant que par la construction que j'en fais, c'est le monde lui-même qui va se trouver transformé. Le jeune chimpanzé qui doit procéder à plusieurs opérations computationnelles avant de trouver le bon outil qui va lui permettre de casser une noix, ressort nécessairement transformé de l'expérience, et le monde qui l'a transformé ne sera plus un monde constitué de noix rétives au cassage, mais de noix accessibles à la consommation. Ce qui n'est pas rien lorsqu'il s'agit de nourrir, sachant que c'est quand même une de nos activités principales. L'émotion esthétique est probablement de cet ordre. Au même titre que les autres émotions, elle constitue un dispositif d'appréhension du réel développé chez certaines espèces par les lois de l'évolution. Bien sûr, l'espèce humaine est celle qui a développé le plus cette émotion, qui en tout cas a été en capacité de la transcender pour non pas produire des objets, des artefacts esthétiques, ça d'autres espèces animales le font, mais des œuvres d'art. Car il est important ici de différencier artefacts esthétiques et œuvres d'art. Si on peut envisager que toute œuvre d'art est un artefact esthétique, l'inverse n'est pas vrai, car pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut qu'il y ait intentionnalité de faire œuvre d'art. Certaines espèces animales sont capables de produire des artefacts esthétiques, certaines espèces d'oiseaux en particulier. C'est le cas de certaines espèces d'oiseaux chanteurs qui sont capables de moduler leur chant de façon personnalisée avec une grande variété mélodique. Ce qui signifie qu'il y a un certain niveau de conscience de la mélodie produite pour pouvoir la moduler, mais très probablement aussi une perception esthétique de leur chant qui justifie cette modulation. Jean-Marie Schaeffer, dans un autre registre, a montré l'étonnante complexité esthétique des constructions architecturales des oiseaux berceaux, oiseaux jardiniers, à propos desquels il note que la construction du berceau met en œuvre le même type de ressources mentales que l'activité artefactuelle humaine. S'il s'agit de signaux coûteux, pour reprendre le concept de Schaeffer, en ce sens que ces comportements sont antithétiques des comportements habituels du vivant, qui va plutôt vers une économie de moyens, autant pour limiter les pertes en énergie que par précaution vis-à-vis des prédateurs, ils doivent néanmoins renvoyer à une nécessité impérieuse du fait justement du coût qu'ils représentent. Les comportements proto-esthétiques de ces espèces animales ne sont pas gratuits, mais leur coût est secondaire par rapport aux bénéfices retirés, ou escomptés en tout cas, dans le cadre de la compétition nuptiale. Abachandran émet l'hypothèse que notre équipement vocal et notre remarquable capacité à moduler notre voix sont essentiellement apparus pour produire des cris aigus et des sons musicaux lors de parades de séduction, chez les premiers primates, y compris nos ancêtres hominiens. Une fois ce système en place, le cerveau, en particulier l'hémisphère gauche, a pu l'utiliser pour produire le langage. On peut supposer en effet que la création d'artefacts esthétiques chez l'hominien a son origine dans la compétition nuptiale, tant du point de vue du chant, comme le proposera l'ascendant, que de la parure, notamment les corps peints ou tatoués. Si les hominiens ont fabriqué des outils depuis longtemps, les premiers silex taillés datent d'environ 300 000 ans, il faut attendre moins 75 000 ans pour voir les premiers éléments de bijoux. Mais il faudra attendre encore le paléolithique supérieur, moins 40 000 ans, pour voir apparaître les premières formes sculptées, animaux ou femmes, Vénus généralement, enfin Vénus, c'est nous qui les appelons Vénus, en même temps que les peintures pariétales. Cela signifie que l'homme a été en mesure de produire une pensée symbolique suffisamment complexe pour externaliser son rapport au réel par des représentations qui avaient probablement vocation à agir dessus. Et il n'est pas innocent que ces transpositions du réel, que le développement de la pensée symbolique complexe, ait pris la forme d'artefacts esthétiques. On le sait depuis, si le réel est inépuisable en tant que réel, il est encore moins épuisable par le seul recours à la pensée discursive. L'émotion esthétique est un dispositif de cognition en ce qu'elle permet de ne pas réduire le réel au discours que l'on fait sur lui. Et donc, d'en appréhender toute la complexité. C'est ce que nous explique Fiedler quand il nous dit « L'artiste voit une réalité à laquelle les ressources de l'intuition sensible employées aux fins de la connaissance discursive n'ont pas accès. L'expérience esthétique est un outil de cognition du monde par la création d'artefacts, mais en retour, elle est un outil de cognition à travers les artefacts. En effet, si la construction d'artefacts esthétiques chez l'humain, notamment dans le contexte religieux qui était celui des sociétés préhistoriques, mais c'est encore vrai pour les sociétés dites premières, est un véhicule, y compris au sens bouddhiste du terme, pour accéder à la complexité du réel, l'artefact esthétique, une fois achevé, devient lui-même un dispositif de cognition dans le regard spectatorial. Et il n'est pas interdit de penser qu'il y a une certaine relation avec les neurones miroirs. Les neurones miroirs nous permettent d'imiter les mouvements d'autrui, permettant la transmission de l'héritage culturel des compétences développées et affinées par autrui. Ils ont peut-être également actionné un système de retour en boucle auto-amplifié qui a dû, à un moment donné, accélérer la révolution du cerveau de notre espèce, explique Ramachandran. C'est incontestable lorsque le sujet est en position de spectateur face à une action en train de se dérouler. Tu en parlais tout à l'heure, on parlait de neurones miroirs, mais de processus. J'ai en tête les neurones miroirs. J'ai pensé aussi. Est-ce que les neurones miroirs sont spécifiques à l'espèce humaine ou Non, on en trouve aussi chez les animaux. Ils ont été mis en évidence par Isolati chez le singe. Oui. Donc cela a été démontré scientifiquement. Mais ne peut-on pas supposer que les neurones miroirs permettent que l'émotion esthétique qui a présidé à la réalisation de l'artefact esthétique soit vécu de la même façon par procuration par le spectateur. Mais l'œuvre d'art, donc tout ça, puisque je suis parti du postulat que l'œuvre d'art est un artefact esthétique singulier, ce qui caractérise l'œuvre d'art, c'est que c'est un artefact esthétique dont la seule fin en soi est d'être une œuvre d'art. Pour Damasio, si les arts ont prévalu au cours de l'évolution, c'est parce qu'ils avaient une valeur pour la survie et ont contribué au développement de la notion de bien-être. Je pense que c'est une vision, en toute modestie, une vision considérablement réductrice et inexacte de l'œuvre d'art que de la limiter à cette fonction homéostatique. C'est oublier que l'œuvre d'art peut être passablement dérangeante. On peut même considérer qu'à partir du moment où elle est une authentique création, c'est-à-dire à partir du moment où elle nous bouleverse dans nos routines, dans nos visions convenues du monde, elle déstabilise l'homéostasie à laquelle nous aspirons comme tout organisme vivant. Selon Mandler, pour la plupart des gens, l'inhabituel ou l'inattendu constitue des événements suscitant une émotion stressante et sont donc source d'interruption de l'activité cognitive. Les schémas cognitifs activés dans la situation sont violés et l'inattendu est donc inassimilable. Comment se fait-il alors que l'œuvre d'art, elle-même productrice de réel, par la même où elle rencontre le réel, ne produit pas cette situation? La réponse tient peut-être dans le mythe de Persée, qui, par le reflet dans son bouclier, peut voir la Gorgone sans être médusée. C'est même en cela que l'œuvre d'art est nécessaire, en ce que justement elle nous contraint à nous ouvrir sur des mondes informulés à partir des outils qui lui sont propres. Et ces outils, qui ne sont pas ceux de la pensée discursive, nous permettent sans doute une perception plus holistique du réel, parce qu'elle ne le réduit pas dans des schémas contraints de la réalité. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de production effective de connaissances. Comme le remarque Fiedler, quand on nous dit que l'art permet d'acquérir de la connaissance, il ne s'agit en aucun cas d'une connaissance par les sensations, lesquelles sont absolument impossibles. Autant l'art peut éveiller des sensations, autant sa dimension cognitive relève de la raison comme toute cognition, même si elle parvient à la raison par un autre biais. L'œuvre d'art permet effectivement à la pensée raisonnante de construire de la connaissance conceptuelle, car, nous dit encore Fiedler, l'homme ne pense pas dans les mots, il ne fait que chercher les mots adéquats à l'idée et ne trouve pas toujours le mot. La dimension plurivoque et polymorphe de l'œuvre d'art est un terreau privilégié à la mise en œuvre d'opérations computationnelles très riches que le langage articulé ne suffit pas à permettre. Mais jamais cette connaissance ne pourra épuiser l'œuvre, car productrice elle-même de réel, l'œuvre va nécessairement au-delà de l'immédiateté de la réalité et reste porteuse de réalité non advenue. C'est sans doute cette dimension qui lui donne sa relative universalité et qui fait que les chevaux de Lascaux nous émeuvent toujours autant quelques 18 millions plus tard. Certes, les peintures rupestres de Lascaux ne sont pas des œuvres d'art au sens canonique du terme, mais c'est bien parce que l'Occident a su faire émerger l'œuvre d'art en termes de concept au XVe siècle, avec tous les enjeux qui lui sont propres, que nous pouvons avoir un regard artistique sur les peintures rupestres, comme sur toutes les productions esthétiques de la préhistoire et d'ailleurs. C'est bien pour ça que, malgré les aléas de l'histoire, nous avons une lecture apocryphe qui les situe dans un rapport au monde sans cesse actuel. Xavier Langer pour être intervenu sur la question de l'émotion esthétique comme dispositif de cognition du monde par la création des artefacts et à travers ceci. Nous allons enfin maintenant Mohamed Zahoui, qui est ingénieur au Collège de France dans le laboratoire de neurosciences du professeur Berthoz, donc spécialisé en neuro-robotique et en réalité virtuelle, et donc il va intervenir sur, avec un titre, qui est de la création artistique, paradigme en sciences de la politique. Je vais essayer d'être au cours. Bonjour à tous. Et merci pour l'invitation à ce colloque. Le professeur Bartos s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Il y a retenu pas tout dans le texte. Heureusement, l'autre est malheureux. Mais donc, je vais essayer de vous présenter un peu les travaux que nous menons dans notre laboratoire en relation, en coopération avec le monde des arts. Et surtout, vous expliquer un peu comment nous transformons les idées et les installations artistiques en paradigmes de recherche. Alors je fais toujours, parce que je ne veux pas répondre à Microsoft, donc je me déconnecte. Voilà, pour moi, trouver une solution définitive. Parce qu'il nous oblige à donner des informations. Ah oui, il faut passer chez Apple. Oui, malheureusement, des fois, il y a des applications qui ne tournent plus sur le monde. Donc, je fais la même, je me déconnecte, et moi, je vais montrer de son chef qui est pour un jour. Alors. Avec une dominante spatiale. Vous entendez au fond? Oui. Nos travaux de recherche sont pluridisciplinaires, ils rassemblent plusieurs domaines, comme on travaille en général enfin, beaucoup avec des philosophes, avec des mathématiciens, des biologistes, et des littéraires aussi. Mais avant peut-être d'exposer. Exposer les différents travaux qui nous lancent des artistes. Je vais vous faire une introduction un peu sur nos approches expérimentales. Alors nous avons plusieurs niveaux d'approche expérimentale, au niveau neuroanatomique, neurophysiologique et psychophysique. Donc en neuroanatomie, nous utilisons plusieurs techniques pour mesurer l'activité cérébrale du cerveau. Soit par les électrodes intracrâniennes, en mesurant directement l'activité d'un ou de plusieurs neurones sur un sujet des stimulus. Nous avons procédé à ce genre d'expérimentation chez des patients épileptiques à Grenoble chez le professeur Perrin. L'autre technique, c'est d'utiliser des marqueurs, des produits de marqueurs, qui sont acquis de, enfin, qui changent de propriété et de couleur quand ils sont en contact avec un neurone actif. Et donc, et ensuite, notre service d'imagerie et d'histologie reconstitue les réseaux de neurones, vous le voyez ici, qui sont impliqués dans tel ou tel type de fonction. L'autre approche neurophysiologique, d'un niveau plus élevé, où cette fois-ci, on va essayer de caractériser les aires et les régions qui sont impliquées dans telle ou telle tâche. Et pour ça, donc, nous avons accès, avec nos collaborations avec les hôpitaux et d'autres centres d'imagerie, à des IRM, des IRM fonctionnels, le MEG, qui veut dire magnétoscopique, pour mesurer l'activité magnétique à la surface du crâne, ou des analogies pour cette fois-ci pour mesurer donc, l'activité électrique du cerveau. L'approche d'un niveau plus élevé, donc en psychophysique, nous avons au Collège de France donc, une salle, une plateforme composée d'une salle immersive pour faire de la réalité virtuelle avec un écran de réalité virtuelle de 6 mètres de diamètre, hein, équipé de, tout autour d'un système de capture de mouvement avec une dizaine de caméras infrarouges. Et nous avons donc divers instruments pour mesurer l'activité musculaire, physiologique, etc. Nous avons aussi construit, vous voyez là-haut, le premier oculomètre pour mesurer les mouvements des yeux dans un casque de réalité virtuelle. Et nous faisons aussi pas mal d'expériences dans l'espace, soit à bord de l'avion Gérogé, soit à bord de la station internationale, et anciennement la station Vic. Alors, dans les travaux que nous menons en collaboration avec des équipes artistiques, nous nous intéressons aux interactions sociales et à cette aptitude à comprendre les interactions d'autrui. Et pour comprendre l'autre et ses intentions, cela suppose de se mettre à sa place. Et cette capacité donc de se mettre à la place de l'autre exige la manipulation des points de vue et des référentiels spatiaux, en sachant qu'il n'y a pas un espace, mais plusieurs espaces qui sont traités par chacun par un réseau de neurones différents. Donc il y a l'espace corporel, celui qui nous permet d'agir avec notre propre corps. Il y a l'espace de préhension, c'est celui qui nous permet de saisir et de manipuler des objets. L'espace proche, c'est l'espace de notre environnement immédiat, comme la salle dans laquelle nous sommes actuellement. Et l'espace lointain, imaginaire, c'est celui que je vais imaginer, par exemple, imaginer le trajet que je vais faire pour me déplacer d'un point à un autre dans une ville. Et il y a deux stratégies fondamentales qui sont mises en œuvre dans les manipulations des référentiels spatiaux, que nous appelons égocentrés et allocentrés. La stratégie égocentrée utilise la mémoire topo-kinesthésique. Je me rappelle d'un trajet en mémorisant les mouvements de mon corps. Là, j'ai tourné à droite, j'ai tourné à gauche, je me suis arrêté, etc. Dans la stratégie allo, j'utilise les référentiels extérieurs à mon corps pour mémoriser et m'orienter donc le long d'un trajet. Enfin, je vais me rappeler où se trouve la poste, le boulanger, les anciennes lunettes, etc. Dans le domaine des interactions sociales, le professeur Albertos fait non seulement une distinction entre l'empathie et la sympathie, mais il ajoute que les liens existent entre la manipulation des référentiels spatiaux et l'empathie. La définition de la sympathie est la capacité à éprouver les émotions de l'autre sans se mettre à sa place. Il s'agit d'une contagion émotionnelle, telle que nous l'observons quand il y a un fou rire ou il y a quelqu'un qui baille devant nous. Si je me mets à bailler, peut-être la moitié d'entre vous se mettra aussi à bailler. Ces mécanismes sont présents très tôt chez le bébé, alors que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, mais sauf avec un changement de point de vue, en inhibant les émotions éprouvées par l'autre. Pour mémoire, le mot empathie vient de l'allemand Einfühlung, du philosophe Robert Bichel en 1872. Et le mot utilisé à l'origine, le mot était utilisé à l'origine pour caractériser une expérience esthétique dans laquelle le sujet projette par son imagination dans une œuvre d'art. Cette théorie esthétique fut reprise par Théodore Lips au début du siècle dernier, qui étendit l'usage du mot Einfühlung aux relations interpersonnelles. Et selon le professeur Berthoz, lui, il ajoute que la relation empathique met aussi en œuvre les mêmes mécanismes et les mêmes réseaux qui prennent en charge la perception de l'espace. Cette approche nouvelle permet d'aborder donc les pathologies comme la schizophrénie, l'autisme, l'anxiété, l'infirmité motrice cérébrale ou les troubles visuo-spatiaux sous l'angle des déficits à manipuler les référentiels spatiaux. À partir du concept de l'empathie, nous avons développé un ensemble d'expérimentations pour mettre en œuvre des cas d'empathie et de sympathie chez des enfants, des adultes, des sujets sains et des patients. Le professeur Berthoz fait souvent une expérience avec la salle. Est-ce que vous voulez prendre la place? Je vais vous demander de vous mettre vos mains comme ceci. Et vous allez faire exactement comme moi, le plus rapidement possible. D'accord? 1, 2, 3. Ah! Non, c'est tous trompés. Vous n'êtes pas exactement. Vous êtes meilleur en sympathie, pas en empathie. Vous comprenez un peu le lien de se mettre à sa place. À partir de là, un des premiers paradigmes que nous avons réalisé à partir d'une coopération avec des artistes avait pour origine une rencontre avec Marie-Hélène Tramus et Michel Brett, du laboratoire des arts numériques à Paris 8. Ils avaient développé un film en bulle, on voit ici. À l'époque, ils avaient développé un film en bulle virtuel et créé une installation qui proposait aux spectateurs d'entrer en relation avec le film en bulle grâce à un capteur, que l'on voit ici, de rotation et de position sur le balancier. Le spectateur pouvait donc jouer, danser et essayer de déséquilibrer le film en bulle. Donc ils cherchaient une nouvelle forme artistique qu'ils appelaient à l'époque la seconde interactivité, pour l'enjeu des relations avec des entités virtuelles qui se rapprochent du comportement humain. Ils ont utilisé une programmation basée sur les réseaux de neurones pour doter le film en bulle de capacités d'apprentissage, d'autonomie et de génération de mouvements biologiques. Sur les conseils du professeur Berthoz, ils ont implémenté dans leur logiciel le principe de la puissance entière. Ce principe a été mis en évidence par une série d'expériences et de marches du professeur Lacouanité en Europe, et par aussi une série d'expériences que nous avons menées au Collège de France, en coopération avec Fabar Flash, de l'Institut de l'Humain à Tel Aviv. On s'est aperçu, quand on bouge la main, quand on bouge le bras, quand on bouge le pied, et même quand on bouge la langue, tous ces mouvements obéissent à la même loi dite entière. Alors, si je fais devant vous décrire une ellipse, vous allez voir un mouvement constant, alors qu'il n'est pas vraiment constant, il est plus lent quand la courbure est faible, pardon, il est plus rapide quand la courbure est faible, et plus lent quand la courbure est forte. Donc il y a une relation géométrique très précise qui décrit donc ce mouvement naturel. Une fois qu'ils avaient, l'équipe de Tramus, Marie-Hélène Tramus avait implémenté la puissance entière dans leur application, ils ont développé une installation avec une troupe de danseurs. Et le jeu consistait à casser la relation entière pour provoquer des mouvements imprévisibles entre les danseurs et l'entité virtuelle. Voilà. Alors de l'autre côté, nous avons exploité l'idée du film en bulle dans plusieurs travaux de recherche pour mettre en évidence la question des référentiels spatiaux dans les interactions avec autrui, et en particulier le cas de l'empathie. Ainsi, Bérangère Thiriot, philosophe à la base, qui s'est formé chez nous au sens cognitif et à la physiologie, a mené une première série d'expériences avec le laboratoire de Adolphe Blanqueux à Lausanne. Elle a effectué des enregistrements EEG à partir du paradigme du funambule. Elle a procédé des enregistrements de les deux types de comportements, empathie et sympathie. Et elle a démontré, effectivement, qu'il y a deux réseaux, l'un correspondant au comportement en symétrie, c'est-à-dire en sympathie, et l'autre est actif quand le sujet effectue une rotation pour se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire en empathie. Nous avons ensuite adapté le paradigme du funambule. Enfin, nous l'avons adapté à des enfants, et ce qui a permis de travailler avec deux équipes, le professeur Olivier, celle du professeur Olivier Houdet à la Sorbonne, qui a mené plusieurs expérimentations dans les écoles, pour déterminer à quel âge apparaissent les fonctions de changement de point de vue et d'empathie chez les enfants. La seconde équipe, celle du professeur David Cohen à la Salpêtrière, a effectué une série de tests chez les enfants autistes. Et Sophie Gauthier, dans le cadre de sa thèse co-dirigée sur l'empathie, a comparé les troubles et les déficits de la perception de soi et de l'espace dans les tâches d'empathie chez les enfants atteints de troubles comportementaux. Voici une autre installation artistique, Lire par un couple. Elle a pour origine la rencontre entre l'artiste Moritz et le professeur Berthaud lors d'une conférence à Weimar. L'installation artistique appelée Alter Ego est construite à l'aide d'un microcontrôleur, d'un éclairage à LED et d'un verre miroir spécial. Le principe d'Alter Ego permet de fusionner visuellement deux personnes l'une sur l'autre. Les deux visiteurs se voient, l'une voit leur propre visage et peu à peu, je me vois dans l'autre. Vous voyez un peu le principe, alors, on change l'intensité et la fréquence du miroir. Et peu à peu, au lieu de me voir moi, je vois Heidi. Je vois Heidi. Voilà. À partir de cette installation électrique, artistique, nous avons monté un paradigme nouveau pour étudier les interactions et les troubles de l'identité. Béranger a continué son travail sur l'empathie et l'interaction spatiale avec autrui en adaptant le miroir de Moritz à une expérimentation sur la perception de soi. Elle est actuellement à Poitiers chez le professeur Jaffaré, où elle poursuit ses travaux avec des patients schizophréniques. Nous avons installé un autre miroir à Brest, dans le service de psychiatrie du professeur Gauthier, pour développer une étude orientée vers les patients atteints d'anorexie. Et nous avons encore deux autres installations, l'une à Sienne en Italie, une autre à Rennes, pour travailler avec des patients autistes. Les mesures effectuées à l'aide de l'EEG ont permis aussi de mettre en évidence les erreurs impliquées dans la reconnaissance de soi et d'autrui, et ces travaux se poursuivent pour améliorer la compréhension des mécanismes de certaines pathologies, comme la schizophrénie ou l'autisme. Alors, une autre installation, cette fois-ci, c'est François Garnier. Excusez-moi, je vois encore. Donc, François Garnier, de l'ENSA, l'école des arts décoratifs de Paris. Il est venu nous voir parce qu'il avait développé avec ses étudiants une application de musée virtuel et de galerie virtuelle. Et à l'aide d'un serveur, les gens pouvaient se connecter au musée à travers un avatar et assister et nouer des relations sociales à des vernissages ou à des expositions. Et il était vraiment frappé par le fait que les gens arrivent à se projeter, à se croire vraiment qu'ils sont dans un musée. Donc cette application, et à partir de son installation, donc, nous avons développé un paradigme. Nous avons donc monté une expérimentation qui interroge les limites des nouvelles formes de médiation liées à l'usage d'espaces partagés en ligne. Donc dans cette slide, donc on voit ici donc les différentes salles d'un musée. les avatars, un avatar pour le sujet et un avatar qui est manipulé par l'expérimentateur qui est derrière. On a mis le sujet dans plusieurs situations, à savoir soit il peut déambuler tout seul d'une salle à une autre en regardant le tableau, soit il est en présence d'une manière passive avec un deuxième avatar, soit là, le deuxième avatar est vraiment actif, c'est-à-dire qu'il vient, il se met devant lui, il regarde en même temps que lui les autres tableaux. Et on a toujours observé vraiment des comportements de gêne et de préservation d'espace intime. Voici donc une liste de tableaux que nous avons utilisés par l'expérimentation. Ils ont été étalonnés par les internautes pour les classer selon les émotions qu'ils suscitent. Donc on a déjà un certain nombre de données, parce que le sujet, on l'a vu aussi, on mesure aussi certains paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque, le stress, et les données sont en cours de dépouillement en ce moment. Alors une autre, c'est presque fini, je ne vais pas y aller avec tous. Autre paradigme avec Étienne Amatou et Étienne Perrelli, du laboratoire créatif de Paris 8, qui sont spécialistes de la réalité virtuelle, de la communication et des jeux virtuels. Ils sont venus parce qu'ils étaient aussi intrigués par la capacité des gens à se projeter dans le monde virtuel à travers un avatar. Et puis aussi, ils étaient aussi intrigués aussi par cette sensation que nous avons, que vous aussi vous avez peut-être ressenti, cette sensation physique, parfois d'avoir vaincu la gravité et d'avoir volé dans les rêves. Et parfois, cette impression, on continue à l'avoir dans la vraie vie. Et à partir de ces idées, nous avons construit avec eux un paradigme avec, au Collège de France, comme nous l'avons appelé l'avatar jaune. Le sujet donc se trouve devant un écran vert. Derrière lui, il y a une kinette qui le filme. On découpe le personnage, le sujet, le corps du sujet. Et si vous voyez bien ici, donc le corps du sujet est intégré à l'état virtuel. Et une fois, donc, le sujet met un casque et se projette donc le monde virtuel, et il peut agir sur le monde virtuel en bougeant ses bras. Alors sur le plan physiologique, nous mesurons l'activité musculaire, la fréquence cardiaque, et nous essayons d'examiner la réorganisation proprioceptive du schéma corporel quand on a vraiment la sensation de voler avec son propre corps, projeté dans un décor virtuel. Donc ce paradigme donc nous sert également à approfondir les connaissances sur le phénomène de l'autoscopie, ce que l'on appelle aussi la sortie du corps. Il faut signaler ceci à propos de ce travail, il a vraiment commencé avec une idée. Amatou et Perrelli sont venus nous voir pour discuter d'une idée, poser des questions. Et au fur et à mesure, ça a pris presque 3 ans, on a abouti à construire ensemble ce paradigme. Alors eux, leur installation, elle va servir à des performances, à des installations, ils l'ont déjà présenté à futur en scène. Et nous, elle nous sert donc à continuer à travailler sur nos recherches. Et nous avons d'ailleurs tenu dernièrement un contrat avec le CNES pour continuer avec cette installation. Alors je termine avec Claire Sistac. C'est une artiste qui organise aussi des installations et des performances basées sur les mondes virtuels et les jeux, dans lesquels elle s'immerge pendant plusieurs jours. Elle a par exemple créé un avatar et elle a perdu au jeu. Elle a fait une dépression, et une vraie dépression dans la vraie vie. Ensuite, elle a fait un avatar qui a gagné au jeu et elle est sortie de la dépression. C'est dire combien donc les personnes sont affectées par leur représentation virtuelle. Nous travaillons donc avec des psychiatres pour comprendre les modifications apportées par les avatars sur le comportement humain. Donc voilà donc un ensemble, une partie des expérimentations et des échanges que nous avons, nous, avec les artistes, qui ont donné des lieux à des publications à très bon niveau. Les prouve s'il en était besoin, de poursuivre donc cette coopération avec les artistes et les scientifiques. Donc, artistes et scientifiques. Voilà, je vous remercie. Donc, merci à vous, Ahmed Zaoui et Alain Vertu, pour les tueurs. Donc, nous allons pouvoir débattre sur les trois interventions. Pour les trois interventions, donc tout en mes questions, etc. J'aurais une question pour M. Zahou par rapport aux résultats des études concernant la fonction de l'empathie chez les enfants, chez les personnes malades. Est-ce que vous avez des données à partir de quel âge ça apparaît? Est-ce que vous pouvez voir sur la fonction de l'empathie? D'après les études qui ont été menées avec l'UGIS, c'est entre 8 et 9 ans que les choses commencent à se modifier. Mais c'est encore des c'est en cours. Là, je vais vraiment parler de toutes ces expériences, que ce soit sur le funambule, sur le miroir, sur la vaparvolance, qui sont toujours en cours en ce moment. Vous n'avez pas parlé des anciens. Nous en avons plusieurs, hein, même avec le théâtre, etc. Oui, je me demandais s'il y avait nécessairement dans les expériences que j'avais proposées une référence à l'espace. L'espace vécu, ou l'espace physique, ou la réaction, ou si d'autres expériences pouvaient se passer en dehors de cette référence. Bah, nous sommes un peu maniaques. Hein. Oui. C'est vrai. Il peut y avoir sûrement d'autres conférences, mais comme vous l'avez dit, nous, vraiment, l'axe de recherche va me baser sur la perception de l'espace. Tout ce qui touche à l'espace, vous avez donc ça. C'est vrai que nous essayons aussi on s'est aperçu, par exemple, chez certaines pathologies, que l'on croyait, surtout chez les infirmités motrices, parfois c'est vraiment à cause d'une représentation spatiale. C'est-à-dire quand vous apportez certains outils, vous savez, pour modifier la perception de la place, surtout chez certains enfants, ils se remettent parfois à marcher. Mais tout à l'heure, vous citiez les rayons de perception entre les différents espaces. Voilà. Mais il y a quand même une sorte de perception, par exemple, de l'ambiance d'un groupe. Rien à voir avec l'espace. De l'ambiance. Oui, vous rentrez dans une salle, vous dites ah, les gens sont de bonne humeur ou pas, ou des choses comme ça, ou vous rencontrez quelqu'un, vous avez dans ce phénomène de sympathie, il y a aussi des marqueurs, des éléments d'information émotionnels qui passent, qui, a priori, pas grand-chose avec l'espace. Oui, mais il y a cette fonction de se mettre à la place de l'autre. Pour pouvoir faire cet exercice. Mais ça, c'est un... Quand j'ai fait l'exercice avec la salle, vous n'êtes pas mis à ma place. Ouais. Si vous étiez mis à ma place, vous auriez fait faire comme moi. Oui, il y a le problème d'être en face aussi. Et même moi qui suis à côté, je peux plus faire pour que l'interprétation de chacun permette de dire quelque chose. C'est un test qui était validé. Je vous balais là. Je vous ai fait là. Non, simplement, je voulais juste dire que par rapport à la question de l'empathie sympathie, je pense que c'est en lien aussi avec l'école qui a l'âge de 7 ans, c'est à peu près l'âge où on passe d'un référentiel égocentré à un référentiel égocentré. Donc, centré sur soi, à centré sur autrui. Quand on construit cet espace, un changement d'espace quotidien, justement, c'est à ce moment-là que peut se mettre en place l'empathie. C'est une dérivée de la capacité à être un égocentré. Il n'y a pas des variations interindividuelles dans ce phénomène, puisque. Pardon, j'ai fait la parole. Oui, c'était en termes de temps de parole. Parce que moi, je tiens mes petits-enfants, mais clairement, pour moi, il y a des manifestations d'empathie chez un petit enfant qui a 5 ans. Donc je trouve que là, dire 7 ans, ça me paraît... Non, c'est pas 7 ans. C'est une moyenne. Entre tous les enfants, ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'en ont pas, on essaie de trouver une moyenne. Mais c'est sûr que maintenant, on s'en va plus pour trouver des particularités à l'économie. Allez-y. On connaît l'importance du système vestibulaire dans la construction de l'espace, hein, le référencement de l'espace. Quelle est la place du système vestibulaire dans cette capacité à se mettre à la place de l'autre? Le système visuel est fondamental, il est essentiel pour tout ce qui est perception de l'espace, parce que d'une part, c'est lui qui nous donne des références, la référence corporelle pour savoir si on est debout, assis, couché, incliné, etc. Donc c'est le système visuel qui est fondamental. Donc, si aussi il y a des... Tous les patients qui ont des déficits vestibulaires, ils ont du mal à manipuler les référentiels spatiaux. Ça, c'est en sorte de faire ça. Donc, les études que nous avons, surtout à Pise, en Italie, chez nous, il y a un groupe d'artistes qui s'appelle Dinosaur Lab, ils ont créé The Machine to Dinosaur. En fait, on a un casque, c'est un casque de réalité virtuelle, et sur ce casque, il y a une caméra qui permet de voir deux personnes ont ce casque et deux personnes font les mêmes mouvements. Donc chaque personne se transpose dans le corps de l'autre, enfin, à la vision de l'autre, donc un homme et une femme. Et encore plus récemment, là, il s'est fait la même chose avec une machine, un robot, où le robot avait des caméras, et donc on voyait à travers le robot, donc on se voyait à travers son corps. Et ma question serait, est-ce que ce genre de technologie pourrait pas développer petit à petit des sortes de maladies, de la schizophrénie ou d'autres maladies mentales? Les schizophrénies sont déjà malades. Oui, non, mais ça va développer d'autres types de maladies. Je vous ai donné le cas de Pierre Sistak, qui a fait une dépression. L'identification à cette personne. Il aurait peut-être mieux parlé de ce problème parce qu'il s'est fait un petit peu plus là. Sur le double, nous avons tous un double de lui-même. Quand on rêve, c'est notre double qui agit à nouveau, qui agit d'une certaine manière. Et on pense le fait de créer des doubles, parce que je pense que parmi vous, pour ceux qui jouent dans les jeux, un avatar, il s'appelle dans 3, 4, 5. L'avatar avec lequel il joue. Donc, il faut observer, je pense que la vie est très très très large. Une évolution de ce que vous avez en Moi, j'aurais une question sur Christian Vizetti à propos de pratique du dessin et plasticité cérébrale. Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées pour voir si, selon que le dessin soit réalisé à travers des pratiques, on va dire, traditionnelles et analogiques, ou des pratiques numériques, il y a des différences dans les institutions que... Non. Là, la connaissance, je ne connais pas toute la littérature sur le sujet, mais non, j'ai aucune connaissance en étude qui aborderait cette question. Mais c'est une grande inquiétude des enseignants au niveau de l'architecture. Est-ce que si on les forme trop vite au dessin numérique, ça ne va pas gâcher leur possibilité? Ah bon, il y a une bataille de la société moderne, mais ce n'est pas On peut quand même présumer, si vous parlez des gestes de la main, enfin, de la moitié, du moteur, que l'engagement de l'auteur sont pas les mêmes dans la situation. Mais tout est la représentation. C'est déjà à remodeler, parce que l'engagement de l'auteur dans la vie quotidienne, c'est quand même toujours là. Donc, les choses ne se font pas nécessairement au détriment, si une pratique est totalement. Comment dire, c'est mobilise toutes les. Et dans la durée, un grand nombre de ressources, ça va impacter la capacité du cerveau à utiliser d'autres ressources dans d'autres tâches. Mais c'est une question d'équilibre à la limite. La transformation ne s'opère que si, franchement, il y a, on va aller à la limite de la capacité du cerveau à faire autre chose. Alors, il y a une question qui a demandé la parole. Métaphorique, d'une façon plus opérationnelle dans vos expériences, etc. Y compris dans le miroir noir dont on nous parlait, le chaton aussi. Est-ce que tu saurais en reparler un tout petit peu dans la façon dont tu l'emploies, que tu l'interprètes dans la conférence de la C'est vraiment une hypothèse, hein, mais l'idée c'est que. Le spectateur devant l'œuvre revit quelque part par empathie le processus de création de l'artiste, y compris dans son combat avec l'œuvre et son combat avec le réel. Et je pense que il le revit probablement pas seulement du fait des raisons des neurones miroirs. Mais je me demande si les neurones miroirs jouent pas un rôle justement dans cette empathie qu'il a avec eux, avec l'artiste par le truc. Donc c'est l'empathie en fait qui a marqué. Je pense que c'est un peu plus. Et alors, je rappelle à vous. D'abord, on considère que les neurones de mémoire ne participent pas à l'empathie, plutôt à la sympathie du tout. Parce que le fait que ça fait un mouvement, le fait que c'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est une cause de la sympathie de la sympathie. Alors je prends Guernica, je vais prendre un exemple très, très fort de ces émotions. Moi quand je vois Guernica, j'ai de l'empathie. Mais je n'ai pas d'empathie pour Picasso, j'ai de l'empathie pour les personnes qui ont souffert, qui ont été dans cette situation infernale. Et autrement dit, l'œuvre d'art crée une émotion. Qui va susciter chez le regardeur, je prends le cri de Munch, et qui va susciter une réaction très personnelle de sa propre expérience de souffrance dans la vie. Et j'ai comme l'impression que là, la conceptualisation est un peu floue. On veut la réduire très opérationnellement dans différents schémas. Comme vous l'avez fait. Pour moi, c'est un peu simpliste, en fait, si sympathique. Je veux dire, il y a des deux qui se mêlent, comme il y a les deux hémisphères. Je trouve ça un peu réducteur et facilitateur pour conceptualiser. Et c'est souvent que les expériences sont, inévitablement. Parce que dans la vie réelle, tout ça s'entrecroise avec des pôles différents selon les moments. Je suis pas. Vous, c'est quoi? Si on veut faire des expérimentations, comment une expérience? nous sommes compte que c'est pas une chose, parce que c'est pas une chose. On sent vraiment quelques éléments qu'on va essayer d'observer d'une manière particulière. C'est vrai que peut-être qu'avec la multiplicité du nombre de personnes à la communication ici, j'ai un sujet dans le rapport, on n'arrive pas à présenter. Chez l'humain, on dit qu'il est 2 ans avant d'être une certaine maturité par rapport au cheval ou à d'autres. On est l'espèce qui naît de manière moins bien finie, on met des choses sur le cerveau. Et est-ce qu'on peut en dire sur le cerveau reptilien, ce nouveau cortex, je ne sais pas, à la naissance, vers 2 ans, moi j'avais vu que vers 6 ans, on construisait les principaux schémas de représentation. Puis après, suivant les activités tout au long de la vie, si on fait 50 activités différentes, si on regarde que la même série télé qui pourrait durer, par exemple, comment ce cerveau, on pourrait donner une quantitative un peu pour... Pas vraiment, mais la maturation, c'est un processus qui ne se manifeste pas de la même façon en fonction des régions du cerveau. On sait que la maturation des aires préfrontales ne se termine pas avant 25, voire même 30 ans. Qui peut parfois expliquer certains comportements dits erratiques chez les adolescents, où en fait il y a une part de la collectivité. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que en fait, contrairement à une idée, enfin, c'est un peu contradictoire d'imaginer ça, mais la spécialisation se fait par élimination. En fait, on apprend, le cerveau mature en éliminant des connexions. Et c'est la théorie de la stabilisation sélective de Changeux. C'est-à-dire qu'au début, il y a de la redondance dans les circuits. Les circuits finissent par s'affiner, se spécialiser en éliminant les synapses qui ne sont pas utiles. C'est la stabilisation sélective. Voilà. Et dans ces aires-là, la stabilisation sélective ne se fait que très très tardivement. Parce que c'est aussi l'intégration des comportements sociaux, la gestion des émotions, qui se fait dans le dialogue entre le système limbique et les infrontales. Et donc ça, c'est une maturation très tardive. Maintenant, il n'y a pas d'étude à ma connaissance, d'étude quantitative au sens où toi tu l'entends. La maturation du cerveau à la naissance, il y a des zones qui sont déjà bien matures. On parle d'audition, du toucher, parce que déjà dans la vie intra-utérine, ces systèmes-là ils sont sollicités. La vision, par contre, elle a une maturation plus tardive. Par exemple, le fait de savoir à la même chose quand j'ai vu des conférences, l'esprit, il lâchait. Donc j'ai regardé, je ne vois pas, mais mon cerveau a tout calculé. Oui. Parce que depuis que je suis parti, la balle tombe. Et l'enfant qui naît, il ne sait pas que c'est vers le bas, s'il fait avoir vite, c'est vers le haut peut-être ou ailleurs. Donc c'est ça, est-ce qu'on a une idée de quand c'est ça qui construit ces premières représentations de cet espace. Il y a bien des schémas qui se construisent à un moment donné. Ça remonte dans le projet, vraiment, sur le développement psychomoteur, sur la représentation, la conservation de. Poids, volume, etc. Sur la balle, nous on a fait un petit détravage pour comprendre comment le cerveau fait pour avoir des points. Comment il fait pour calculer les trajectoires, la vitesse, les accélérations. On va terminer avec la question de Chouine. Oui, justement, c'est sur cette question qu'il y a à dire. Cette théorie de changeur, l'apprentissage, c'est l'échemisme. Et puis, ce que je voudrais me demander, c'est sur la neuroplasticité, le lien avec la créativité. Parce que ce que vous avez présenté me semble plutôt comme l'apprentissage. C'est le musicien qui joue l'instrument. Oui. Et du coup, il peut acquérir une virtuosité. Mais si pour la créativité, par exemple, le compositeur ou l'artiste crée, et ça, le lien avec la neuroplasticité, comment. Oui, si vous pouvez parler un peu. Alors, sur la créativité, il y a très très peu de travaux. Je crois que c'est vraiment. Oui, il y a encore, on va dire, une difficulté d'abord à traduire au plan expérimental quelque chose, un paradigme qui soit suffisamment, qui soit pas trop réducteur, qui soit compatible avec l'approche scientifique qui nécessite de contrôler les variables dans un phénomène qui est évidemment multi-déterminant. J'ai en tête quand même un papier qui s'intéresse à la créativité et qui montre chez les artistes qui sont spécialisés dans le dessin. Il y a en fait comme une sorte de découplage qui se fait entre les zones, on va dire le système limbique, plutôt en charge des émotions, et les aires préfrontales. Ici, en fait, il y avait moins de contrôle par les émotions de ces aires-là. Comme si, quelque part, on va dire, tous les aspects émotionnels se libéraient d'une sorte de supervision un peu rationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui ressort de cette étude, mais encore une fois, il y a très très peu d'études et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Il y a un laboratoire à Toulouse qui a commencé une grosse étude interuniversitaire sur le sujet il y a 4-5 ans. Oui. On a pas eu, vous n'avez pas eu le résultat, vous n'avez pas eu le coup. Ok, on va peut-être. Merci à tous. J'ai une dizaine de minutes. Il y a une...